Vous écoutez Radio Panique. 105.4, radiopanique.org. Vous êtes heureux. Tortoli aussi. Oh yeah. Salut tout le monde, c'est Tortoli de Tortoli et Herbatax, vous écoutez Radio Panique sur le 105.4. Il est 18h, on est ensemble pour une heure de son. Voilà, Herbatax n'est pas là aujourd'hui, il va peut-être nous rejoindre en fin de session. Tout ça pour vous dire qu'on va écouter du bon son. Il y aura un petit agenda culturel, juste avant c'était la... Vous avez reconnu Super Mario. Et on enchaîne direct avec un titre un peu rock, même très rock, ça s'appelle The Drums, Let's Go Surfing. We'll be right back. Boys. Et ouais, c'était The Dodos. The Dodos avec le titre Do You Like Boys. Et juste avant, c'était The Drums, Let's Go Surfing. Voilà, début d'émission de Tortoli sans Arb Attack, comme tous les mardis, 18h-19h. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM à Bruxelles ou alors sur le radiopanique.org. On va enchaîner direct après avec un autre groupe assez dansant qui s'appelle Clap Your Hands, Say Yeah. Voilà, juste après The Dodo, ce qu'on entend en fond là, des Toulousains français donc, jeunes, la vingtaine. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Thank you. De retour, vous écoutez Tortoli, Herbatax sur le 105.4 Radio Panique. C'était Passion Pit, un remix de Lando Wake Up avec le titre Sleepy Head. Voilà, Passion Pit remixé. Passion Pit des Anglais, me semble-t-il. Des Anglais qui feront une tournée, mais seulement américaine et Amérique du Sud également, si vous êtes dans le coin. Ce qui est probable, puisqu'on nous écoute également sur le 105.4. C'est-à-dire sur internet. Pas du tout, je m'embrouille. Enfin bref, www.radiopanique.org. Vous écoutez Tortoli sans Arbatax. On va continuer cette petite session rock avec Rara Riot et le titre Boys. Et là, c'est un remix cette fois-ci de Rack, R-A-C. Voilà, vous retrouverez la playlist ainsi que tous les morceaux, informations qui vont avec sur le site de Radio Panique à la rubrique Tortoli et Arbatax et également sur le Facebook Tortoli et Arbatax. Voilà, Rara Riot, c'est juste derrière.

105.4, radiopanique.org. Vous êtes heureux. Tortoli aussi. Oh yeah. Et voilà, c'était Mode Selector qui remixait Ghislain Poirier, le Canadien, avec le titre Blazing. Voilà, ce remix un peu limite dubstep du duo Mode Selector, deux Allemands. qu'on connaît aussi par leur formation avec Apparat et le collectif Moderat, l'acronyme de Mode Selector et Apparat, Moderat. Voilà, là c'était un remix de simplement leur duo Mode Selector qui remixait un titre de Ghislain Poirier, Blazing. Voilà, c'est paru sur le CD de Ghislain Poirier, No Ground Zero. J'en profite justement pour en placer une, pour vous annoncer, étant donné qu'il n'y aura pas d'agenda culturel dans ce 18-19 de Tortoli Arbatax. Pourquoi me direz-vous ? Parce que Arbatax n'est pas là, donc pas d'agenda culturel sans Arbatax. C'est tout à fait normal, ça va sous le sens. Panic Party, ça va se passer le 11 septembre, c'est le seul élément de l'agenda culturel que j'ose et qu'il y a besoin de mettre en valeur pour ce week-end, étant donné que c'est un grand soutien à la radio Panic, la radio que vous écoutez en ce moment, et dès 16h ce samedi à la galerie TAG, Passage Rogier. Dès 16h, vous retrouverez notamment pas mal de performances picturales, graffiti. Il y aura un atelier de sérigraphie, il y aura aussi des bouffes, il y aura une équipe de photographes, il y aura surtout du gros son avec, outre le Radio Panic Sound System, on peut citer Maki, Verbal, Reda, Dr. Quest, Railster, un live from Italia. Et voilà, donc il y aura toute l'équipe de Radio Panic qui sera là pour vous accueillir. Et ce samedi 11 septembre à partir de 16h, ça se déroule au passage Rogier à l'espace TAG. Voilà, venez nombreux, ça vous en coûtera quelques petites caillasses, mais rien d'exceptionnel, rien quoi, ça vous coûtera rien. Et surtout, vous prendrez un max de bon temps, c'est dès 16h, voilà, projection, plateau radio, voilà, il y en aura pour tout le monde. Ramenez des amis, passage Rogier, 11 septembre, voilà, venez. On se voit samedi alors. Et avant de se voir samedi, on va pouvoir s'enchaîner avec un titre d'Ex Machina. Ex Machina, un collectif de Rennes en France, Bretagne. Voilà, Ex Machina, c'est deux frères aux machines et un autre mec aux machines, plus deux MC. En tout, ils sont cinq. Voilà, sur scène, c'est grosse performance visuelle. Voilà, ça s'appelle Ex Machina. Et là, le titre, Noise Conspiracy. Voilà. Grosse production, diffusion à outrance, de faciès remodelée et de matière vide de sens qui t'hypnotise. Sorte de bouillie réchauffée à 0% de matière grise, de quoi perdre quelques neurones avant l'été. Ce soir en exclusivité, propagation de la pensée unique entre deux courtes pages de stupidité. L'anorexie est cérébrale et la connerie est globale, explicite, absolue et adulée. Adieu subtilité. L'ingestion répétée de navettes et d'huile pressée n'a provoqué chez moi une réaction cutanée traduite par une éruption de boutons, parmi lesquels se trouvait le bon pour mettre en veille la télévision. Saturé d'être tranquillisé par des divertissements, j'ai éclaté l'écran. Ex Machina, machiavélique, mutant, nourri à l'obscurité des frontales de départ. Réflexe machinal, trouble comportemental, mouvement de la tête, geste inconscient, déséquilibre et léger mental. We don't take notice to your noise conspiracy. I'm raised to piracy, smoke in my lungs. The radio killed my connection community. We carry torches, the fire is free. Oh, we don't take notice of your noise conspiracy. I'm raised to piracy, smoke in my lungs. The radio killed my connection community. We carry torches, the fire is free. We're the fire is, we can see burn in the flames. The robots and dollars are making the names. Brains, put them together to form the words. Bluebird and Ex Machina, chez nos manquantes, machine et mutante. Tout comme le coma d'état transitoire entre le royaume des morts et celui des vivants. Cortex immédiat, sur les sites où le train caché les prédictions dans l'embarras des exclus sous le clair de lune. Émerge encore un nouvel arrivage de produits jetables des plus mauvais crus. À quand aujourd'hui l'emballage est devenu beaucoup plus important que le contenu. On aime la dissonance, on aime la symétrie, on aime l'infinité, on aime l'ambivalence et l'ambiguïté des pistes brouillées. Notre aider des lois des sentiers balisés. Ah, oui. J'ai la fond les fermes. Mal à la tête, la baguette m'a saoulé. Sans pour autant pouvoir contenter ma soif de nouveauté. De diversité, je persiste à squatter du côté des synthés. I'm spinning in circles and losing my hands. The time of the year, the soldiers dance. The S1W tangerine dream. The music is muted in front of the screen. Et c'était donc Ex Machina avec le titre Noise Conspiracy. Voilà, on va s'enchaîner juste derrière avec un duo italien, le duo Crookers, avec le titre, un vieux titre qui s'appelle Limonare. Et juste après ce titre, on a une petite surprise, étant donné que Crookers sont italiens, on a un petit invité italien qui va nous faire une petite explication dans le texte en italien de ce titre Limonare. Et voilà, vous allez en savoir plus juste après. Crookers, Limona. Et voilà, de retour, après ce titre, Crookers, vous écoutez Tortoli et Herb Attack sur Radio Panique, le 105.4 ou le www.radiopanique.org. Crookers, c'est donc un duo italien et on va profiter de cet instant italien pour expliquer un petit peu... ce titre, Crookers, il va nous en faire une petite traduction, ou plutôt il va nous donner une ébauche de traduction que moi je vais essayer de vous traduire derrière. Dani, déjà dans un premier temps, est-ce que ça va? Très bien, Tortoli, merci. Et salut à tout Bruxelles. Et abbiamo ascoltato Limonare dei Crookers, un pezzo che parla di una ragazza che vuole solo baciare, invece mentre l'uomo vuole solo andare al sodo e andare nelle cose più hot e importanti. Donc en fait, Dani nous explique rapidement que dans cette chanson de Limona, de Crookers qui s'appelle Limonare, en fait, les garçons, le texte veut dire que les garçons veulent seulement faire l'amour aux filles, les baiser pour être un peu plus cru, alors que les filles, elles veulent limonare, à savoir juste tourner la langue dans la bouche des garçons, quoi, de manière plus soft. Merci Dani pour cette intervention. Et voilà, on va pouvoir s'enchaîner directement juste après. Après cette petite explication made in Italia dans le texte. Avec un petit Amanda Blanc, Amanda Blanc et le titre Make It. Avec le titre plutôt Make It, Take It. Trying to tell you, y'all am looking kid, this rebel. She said, I bow you over. He said, it's queen, that girl, roll over. Take it like a man, stand like a soldier. Boys make noise, I'm taking over. I know you want it. Aujourd'hui, Tortoli se la joue solo, sans Arbata. Et voilà, c'était Mirways avec le titre Disco Science, qu'on peut se réécouter tranquillement derrière nous. Voilà, voilà. Simplement histoire de vous saluer, de vous dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Arb Attack ce coup-ci. Là, c'était Tortoli sans son Arb Attack. Voilà, Tortoli et Arb Attack, Radio Panique, vous écoutez sur le 105.4, c'est 18h-19h. On vous retrouve jeudi prochain. Et non, mardi. Je remercie Dany à côté de moi pour la petite traduction du plan le Crookers. Et voilà, à la prochaine. On vous laisse tout de suite une émission, deuxième épisode de Tapa un plan, une création radiophonique produite pour Radio Panique. Et voilà, qui retrace l'histoire du paysage radiophonique. Je vous conseille vivement d'y rester et je vous donne également rendez-vous ce... La rigolade. Venez à samedi les gars. Ciao.